M, le maudit. Batman White Knight. Arkham Asylum. Jack Napier, alias le Joker, rend visite à son meilleur ennemi Batman dans les geôles de l'asile psychiatrique de Gotham City. Cette fois-ci, il n'a ni maquillage, il est très bien habillé. Mais pourquoi est-ce que Batman est, lui, enfermé et que Jack Napier, lui, n'y est pas dans Arkham Asylum? Un an plus tôt, dans les rues de Gotham, le Joker défie le nouveau Batman. Grâce à Batgirl et à Nightwing, Batman tente de récupérer le Joker, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, à la fin de ce petit événement, le Joker décide de ne plus du tout être Joker et de redevenir Jack Napier. Et pour cela, eh bien, il va réussir à mettre tout le monde à dos. Il va réussir à faire une grosse manipulation pour que Batman soit le nouveau ennemi numéro un. Tout ça parce que à chaque fois qu'il intervient, il y a des dégâts énormes dans la ville et que ça coûte très cher. En plus, Jack Napier va réussir à se faire élire dans un conseil municipal. Alors, Batman White Knight, pourquoi c'est très bon et pourquoi c'est l'un des meilleurs Batman de ces dernières années? Tout simplement parce que c'est Sean Murphy et que Sean Murphy, il est très fort. C'est l'un des meilleurs dessinateurs et scénaristes de sa génération, mais surtout, il arrive cette fois-ci à faire une inversion des rôles. C'est Batman qui est le méchant et Jack Napier qui est le gentil. Je ne vous donne pas la fin, mais vous vous en doutez, ça redeviendra comme avant. Il y a aussi, là où c'est aussi très fort, c'est qu'il y a des thématiques contemporaines dans ce Batman White Knight, notamment les répercussions économiques sur la ville, mais aussi tout ce qui va concerner la pauvreté, la précarité, mais aussi le racisme. Donc Sean Murphy, il est très fort pour ça, et notamment il est fort dans les scènes d'action et les scènes intimistes. L'auteur américain, lui, eh bien, il va mettre en place tous les méchants qui sont autour du Joker, mais aussi tous les amis de Batman. Donc, il va convoquer tout le monde, tout l'univers batmanien. Il est aidé par Matt Hollingsworth pour les couleurs. C'est très fort, notamment dans la Batmobile, dans les costumes, dans les décors et bien évidemment dans les combats grâce à un découpage à nouveau très dynamique. C'est un très grand succès de librairie. Batman White Knight de Sean Murphy chez Urban Comics depuis le 26 octobre